Jidérien, Jidérienne, bienvenue pour ce premier podcast d'Open Jidéry. Alors ce premier podcast a pour simple ambition de vous présenter la démarche d'Open Jidéry, savoir ce que c'est, comment elle va se construire, avec qui, et tout ce que vous pourriez avoir envie de savoir, avec pour bien sûr commencer la genèse de ce podcast. Alors je dirais qu'Open Jidéry, c'est une démarche qui a pris forme au travers du RPG A Day 2017, pour lequel j'ai réalisé 29 vidéos sur les 31 possibles. Mais si je suis honnête avec moi-même et avec vous, j'ai le sentiment que ce RPG A Day a été une excuse pour mettre en œuvre une envie qui me tiraillait depuis quelques mois. Je suis un auditeur attentif de ce que peuvent prononcer les podcasts tels que La Cellule, les voix d'Atarid, Radio Rollist, ou les vidéocasts comme ceux de Rollist TV et du podcast anonyme par exemple. Et au fond de moi est née en fait l'envie de partager avec vous à propos du jeu de rôle. Je le faisais déjà au travers de ma page Facebook ou du Maraudeur, mais pour le coup j'ai envie de le faire d'une autre manière. Ainsi, le RPG A Day a été pour moi l'occasion d'expérimenter ce mode de communication, vidéo, audio, de tester, de partager, d'échanger avec vous, sans aucune autre ambition que de parler de ce que j'aime en Jidéry, de ma pratique, etc. Et puis, les premiers retours sur mes vidéos sont arrivés, aussi bien sur des conseils de tournage, de montage, que sur le contenu. Ces échanges ont été vraiment une source d'encouragement et une source de vouloir proposer quelque chose de qualité aussi. J'ai modestement investi dans une webcam un peu plus performante que celle qui était intégrée dans mon ordinateur portable. J'ai acheté un micro-cravate pour avoir une meilleure prise de son. Je me suis aussi mis au fait de retravailler un petit peu le son, les vidéos, pour aboutir à quelque chose de regardable. Loin des standards de YouTube, mais a priori suffisamment regardable tout de même. Mais comme toute bonne chose avait une fin, le RPG A Day a pris fin après ses 31 jours. Et la question s'est posée, naturellement, sur la suite. Au fond de moi, je souhaitais poursuivre la démarche, et pour cela j'ai consulté pas mal de copains du milieu, avoir leur retour d'expérience, leurs avis, leurs conseils. Et voilà, aujourd'hui, ma démarche d'Open Jidéry prend vie. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil, mais c'est quoi Open Jidéry? Comme son nom l'indique, Open Jidéry est une démarche qui a pour but de parler du jeu de rôle, du milieu du jeu de rôle, de ceux et celles qui font le jeu de rôle. On pourra y parler d'auteurs, de jeux, de théories, mais également de plein d'autres choses. Open Jidéry, c'est aussi une démarche qui se veut être ouverte. Je souhaite que le ton soit bienveillant. Je n'ai absolument pas envie de faire des podcasts pour clasher ou faire du bashing, cela ne m'intéresse pas. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas être critique, mais j'ai plutôt envie de vous parler de ce que j'aime, d'apporter parfois un angle un peu différent à ce qu'on peut trouver habituellement, plutôt que de m'agacer. J'ai envie d'être positif. J'ai aussi envie de co-construire avec vous cette démarche. J'ai envie qu'elle évolue au cours du temps, notamment au gré de nos échanges. J'ai pas envie d'arriver de manière péremptoire avec une démarche totalement structurée, un plan de com bien pensé, etc. Non, j'ai envie d'expérimenter avec vous, de faire des allers-retours entre ce que je peux vous proposer, vos envies et vos attentes. La démarche se veut ouverte sur la Jidéry, c'est-à-dire que je souhaite aussi bien parler de jeux mainstream que de jeux indépendants, de jeux avec ou sans MJ. J'aime le jeu de rôle et j'ai envie de le partager avec vous. Et ma démarche, bien sûr, se veut ouverte car même si je sais qu'actuellement je suis seul à vous parler, rien n'empêchera des gens d'intervenir, mais on en reparlera un petit peu après. Et bien sûr, comme toute démarche ouverte, je suis complètement ouvert à vos retours, vos critiques, vos conseils, de manière à améliorer le produit. Alors bien entendu, la question que vous allez me poser, c'est pourquoi encore un nouveau podcast sur le jeu de rôle ? Il est vrai que de plus en plus de podcasts se développent sur le JDR, comme j'ai pu les citer dans mon introduction. Il y a ceux de la cellule, des voix d'Altaride, le podcast anonyme, mais également des démarches telles que celle de Thomas Munier et bien d'autres. Et finalement, les rôlistes n'ont que l'embarras du choix. De ce fait, est-ce utile de proposer du contenu supplémentaire sur du jeu de rôle qui soit proche ou éloigné des précédentes démarches? Ben pour moi, la réponse est oui. Oui, il est important de parler de jeu de rôle. Oui, il est important que le plus grand nombre de personnes en parlent pour que le plus grand nombre de personnes puissent découvrir, entendre parler du jeu de rôle, notamment par des contenus ou des supports variés. Ainsi, plus les gens parleront de leur passion autour d'eux, sans honte, sans crainte du regard des autres, plus ce loisir se banalisera. Je salue notamment les initiatives des éditions Ankama d'avoir amené du jeu de rôle à la FNAC ou dans les autres magasins de grande distribution, notamment avec City Hall le jeu de rôle ou le tout récent Freak Screen, tout comme les éditions Matago avec Des Start, le jeu de rôle de découverte par Fabien Fernandez, ou encore Maillard avec sa chaîne Réussite Critique, qui a réussi à fédérer au-delà du milieu rôliste. Alors, OpenJDRI a pour seule ambition, en fait, de partager avec vous ma passion. Et si quelques personnes découvrent le jeu de rôle au travers de mes contenus, s'y intéressent, ben j'en serais ravi. Et bien évidemment, si les JDRiens et les JDRiennes y trouvent du contenu qui les intéresse, j'en serais plus qu'heureux. Alors maintenant, comment ça va se passer? Ben comme j'ai pu le dire, la démarche va se construire avec vous. À ce jour, voici déjà ce que je peux vous proposer. J'ai créé une page Facebook pour centraliser la démarche, faciliter aussi les échanges. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et cette page pourra aussi être le lieu où je pourrai faire part de l'état d'avancement des différentes productions à venir, voire ça peut être également le lieu où vous pourriez me faire vos retours ou vous proposer des sujets que vous aimeriez que je puisse traiter. La chaîne YouTube sera également mise à contribution, où vous pourrez retrouver les vidéos à certaines étapes, même si je dois reconnaître que je n'ai absolument pas envie de succomber aux sirènes de YouTube et me plier à ses codes, à savoir souvent proposer des vidéos où la personne a un rythme saccadé dans son propos, donnant l'impression de ne pas savoir aligner trois mots et faire une phrase complète d'un seul tenant. Il y a également un site qui va me permettre d'héberger toutes les versions audio du podcast, même si encore de nombreuses questions se posent, comme par exemple, est-ce nécessaire d'ouvrir un blog pour centraliser toute cette démarche, notamment les podcasts audio et les podcasts vidéo? Est-ce qu'il y a un format qui est à privilégier? Le format vidéocast, le format podcast? Et je pense qu'avec le temps, la démarche va évoluer. Ce que j'ai en tête, pour l'instant, c'est des formats vidéo assez courts, où je serai seul, et des formats plus longs, en mode podcast audio uniquement. Au cours de ces podcasts audio, bien sûr que la porte sera grande ouverte à d'autres contributeurs, aussi bien d'autres podcasteurs que d'autres personnes qui voudront partager avec nous sur la démarche. Pour les vidéos courtes, je pensais plutôt parler par exemple notamment de jeux, faire des petites chroniques rapides de jeux que j'ai aimés, que j'ai appréciés. Une autre idée pourrait être d'utiliser les questions précédentes du RPG A Day 2016, 2015, etc., histoire d'amener du contenu et alimenter la chaîne YouTube. Mais j'ai envie de dire, cela se décidera au fur et à mesure du temps qui passera. Et aussi grâce à vous et à vos retours. Alors OpenJDRI, ce sera qui? Ben pour le moment, je serai seul. Mais comme j'ai pu le dire précédemment, je serai ravi de pouvoir être accompagné, même de manière ponctuelle, par d'autres personnes. J'aimerais favoriser les enregistrements en présentiel pour avoir une qualité sonore meilleure, même si ça nécessitera de changer encore le matériel. Mais l'enregistrement à distance ne posera pas de problème, parce que je serais ravi de pouvoir avoir cette démarche en commun avec d'autres personnes. Alors maintenant se pose forcément la question de la périodicité. Je reconnais être fasciné par les podcasts qui ont une régularité telle un métronome, avec soit une production hebdomadaire, soit mensuelle. Je trouve ça formidable. Mais je reconnais qu'au départ, je préfère ne pas m'engager sur cette périodicité. Notamment parce que le podcast que vous écoutez, bah, j'aurais dû déjà le poster, ou en tout cas l'enregistrer, il y a déjà 3 semaines, et que pour différentes contraintes de temps et surtout matériel, j'ai pas pu le faire avant. Pour être même tout à fait franc, je souhaitais initialement pouvoir faire une vidéo pour ce premier podcast et avoir un podcast audio derrière. Et pour des raisons vraiment matérielles, je n'ai pas pu le faire, notamment pour une prise de son qui n'aurait pas été bonne en fait. Alors bien sûr, les bons côtés de se fixer une périodicité, c'est que cela oblige à tenir les délais. L'inconvénient, c'est que ça peut conduire à produire pour produire, au détriment de la qualité, juste pour tenir les délais. Alors j'ai envie que cette démarche soit un plaisir pour tous, et pas une pression. Et dans un premier temps, si je peux me tenir à un rythme d'une vidéo et d'un podcast par mois, en alternant l'un et l'autre, j'en serais ravi. Alors maintenant qu'on arrive au bout de ce premier podcast, la question se pose de quand va arriver la prochaine production, le prochain podcast, qui soit pas égocentrique et qui parle uniquement de la démarche, mais qui met en œuvre cette démarche. Alors sachez que je travaille déjà sur les 2 prochains podcasts et j'espère pouvoir les diffuser courant octobre. Je ne sais pas si j'y arriverai. Probablement qu'il y en aura au moins un courant octobre, qui sera un podcast un peu plus long que celui-ci, dont la thématique sera les rois et les pirates. Le deuxième podcast, qui sera également thématique, est déjà en train d'être travaillé, mais à mon avis, il ne viendra pas avant le mois de novembre. Entre-temps, j'espère pouvoir tourner une ou deux petites vidéos pour parler de jeux que j'ai appréciés. J'ai déjà en tête certains jeux pour lesquels j'aimerais vous parler de ma lecture, mais également de la pratique qui va avec. Mais cela se fera notamment si j'arrive à régler mes problèmes matériels. En tout cas, Jidérien, Jidérienne, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la démarche que je vous propose vous plaira, que vous la partagerez ou que vous la commenterez. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'arriver au bout de cette démarche, ou plutôt de la lancer justement, et d'arriver au bout des réflexions qui ont eu lieu cet été. J'espère que ça vous conviendra, j'espère que vous y trouverez votre compte, que vous prendrez du plaisir à écouter. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour le premier podcast sur les rois et les pirates. Au revoir.